journée de la femme, je crois que ça s'appelle comme ça d'un point de vue étatique, mais bon, la journée de lutte pour l'égalité entre les sexes et les genres, je préfère le dire de cette façon-là, qui sera mardi 8, donc demain précisément, et puis bon, c'est toute la semaine, hein, de toute façon, qu'il y a des choses organisées dans le cadre de l'égalité entre les sexes et les genres. Et puis de toute façon, c'est toute l'année, hein, qu'il faut lutter pour contre le machisme, pour l'équité, contre le machisme, contre le sexisme et tout ça. Donc, eh ben, j'aurai aussi des rendez-vous à vous donner pour la journée du mardi concernant la journée de la femme. Et puis bon, on reviendra, on fera un gros point sur la journée du mercredi 9. Je ferai un gros point condensé de tout ce qui se passe un peu dans toute la France. Et pas que, hein, pas qu'en France métropolitaine. Hein, y a des points de rendez-vous de manifestations qui sont donnés dans les dom-toms également. Donc voilà, on parlera de la journée du mercredi 9 tout à l'heure. Alors je suis tout seul et non pas avec Milan aujourd'hui, donc excusez-moi par avance de les petites pauses longues qu'il pourrait y avoir entre le moment où je passerai des pauses musicales, le moment où je reprendrai la parole, tout ça, parce que gérer mes petits papiers, la console de radio, l'écran d'ordinateur, les platines CD, tout ça, bon, bah tout seul, ça fait un peu quand même du boulot et c'est difficile d'être coordonné. Bref. Donc les rendez-vous aujourd'hui, eh ben je vais principalement vous faire les rendez-vous sur Paris et Île-de-France en une seule catégorie, en une seule partie d'émission. Et je ne vous parlerai que très peu des rendez-vous ailleurs en France, si ce n'est pour la journée du 9 mars, où j'ai déjà beaucoup de choses à dire en fait, et que en une heure et demie d'émission, moins les pauses musicales, donc en gros en une heure d'émission efficace, eh bien j'aurai pas le temps aujourd'hui de vous parler d'autres rendez-vous ailleurs en France que la journée de mobilisation pardon, et de grève du 9 mars. Donc on va commencer avec la journée du d'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, lundi 7 février, un premier rendez-vous à vous proposer ce soir. Ce soir donc à 19h, et comme tous les premiers lundis du mois, hein, je vous ai déjà parlé de ce rendez-vous qui est organisé par le réseau Stop Précarité. Tous les premiers lundis du mois, donc à Paris, ce sont les cours gratuits, de droit du travail. Qui sont organisés donc par le réseau Stop Précarité depuis pas mal d'années maintenant. Et ce soir, le thème de la réunion qui commence à 19h, ce sera sur le licenciement, les restructurations et les mobilités dans le secteur privé et dans le secteur public. Donc, vu que le nombre de licenciements va certainement augmenter dans les mois et les années à venir, eh bien, et les restructurations aussi, ça peut être pas mal hein, d'assister à cette réunion pour avoir les dernières infos concernant ces thématiques hein, sur le terrain des luttes économiques, sur le terrain des luttes syndicales et des luttes prud'homales aussi. Alors le lieu, ça aura lieu ce soir à l'annexe Turbigo de la Bourse du Travail de Paris. L'annexe est située au 67 rue de Turbigo, métro 11 et métro 3, station Arts et Métiers, ou encore métro 3, station Temple, sachant que l'annexe Turbigo est située entre ces deux stations. Vous pouvez également y accéder avec le bus 75. Et je vérifie si j'ai d'autres informations à vous transmettre concernant... ce rendez-vous de cours gratuit de droit du travail. Non. Bon, bah voilà. C'est tout ce que j'avais à vous transmettre pour ce rendez-vous. Sachez que c'est gratuit et ouvert à tous et toutes. Hein. Voilà. C'est tous les premiers lundis du mois. Et le premier lundi du mois d'avril, j'aurai de nouveau à vous transmettre cette information par le réseau Stop Précarité. Alors, le réseau Stop Précarité, hein, c'est constitué de personnes... il y a des juristes, des personnes qui bossent au Prud'homme, des personnes majoritairement de chez Sud Solidaire et de la CNT, donc des syndicalistes, mais aussi des personnes entre guillemets expertes sur ce qui concerne le Code du travail et ses aspects. Voilà, pour vous réinformer sur le réseau Stop Précarité, qui existe depuis 2004-2005, hein, et puis qui a aussi un petit frère au niveau de Bordeaux, qui organise aussi des choses, mais malheureusement, j'ai pas trouvé l'info, ou pas retrouvé l'info pour Bordeaux, mais n'hésitez pas à aller sur Internet et à trouver ça. Vous tapez Réseau Stop Précarité Bordeaux ou Réseau Stop Précarité Aquitaine et vous trouverez ça sur Internet certainement pour avoir toutes les infos et toutes les réunions, tous les cours gratuits du droit du travail qui sont prévus à Bordeaux. Et puis naturellement, en tapant la même chose mais pour Paris, eh ben, vous aurez aussi l'intégralité du calendrier des réunions qui sont prévues jusqu'à... je pense que pendant toute l'année 2016, le calendrier est prévu pour les réunions de cours gratuits du droit du travail sur Paris. Alors voilà pour le premier rendez-vous. Et c'est tout ce que j'aurais, je crois, à vous proposer pour la journée d'aujourd'hui. Mais bon, il y a toujours il y a toujours 10 à 15 rendez-vous par jour, hein, de toute façon. Et je ne suis là pas pour faire une liste exhaustive, hein, mais juste vous proposer quelques rendez-vous pour essayer de les mettre un peu plus en avant. Demain, on passe à la journée de demain, mardi 8. Mardi 8, c'est la journée mondiale des femmes, la journée de lutte pour l'égalité et l'équité entre les sexes et les genres. Et il y aura beaucoup de rendez-vous. Beaucoup de rendez-vous demain, avec un premier rendez-vous que j'ai sélectionné. Et qui aura lieu à 11h30. À 11h30, ce sera un repas et des ateliers qui seront proposés par le collectif féministe de Nanterre. Et qui aura lieu à l'université Paris 10 de Nanterre. Enfin, qui s'appelle aujourd'hui Paris Ouest Nanterre La Défense, hein, le nom de l'université. Comme je l'ai dit, ça débutera à 11h30 et c'est à l'occasion donc de la journée de la femme, entre guillemets. Le collectif féministe de Nanterre organise un repas à partager toutes et tous ensemble. Ainsi, nous pourrons nous rencontrer, discuter et même participer à des ateliers concoctés par nos soins. L'occasion également de réitérer l'expérience d'un mur du sexisme ordinaire, comme nous l'avions fait sur la fac il y a quelques mois. Si vous voulez discuter féminisme, rencontrer les membres du collectif, découvrir nos ateliers ou tout simplement partager un repas dans la bonne humeur, eh bien venez. Et donc comme je l'ai dit, ça sera demain mardi 8 mars 2016 à partir de 11h30 et toute l'après-midi. Ce sera au bâtiment D, D comme David, bâtiment D de l'université Paris 10 Nanterre. Alors on y accède de façon très simple en prenant le RER A. RER A qui traverse les points principaux de Paris et le point central Châtelet aussi. Et vous prenez le RER A et vous descendez à Nanterre Université. Nanterre Université, c'est à 3 stations de Paris. Hein, on met 10 à 15 minutes maximum pour y accéder, c'est vraiment rapide. Ou encore, un autre chemin, c'est de prendre la ligne L du Transilien au départ de Saint-Lazare. Et là, c'est pareil, vous prenez en direction de Nanterre Université, c'est le terminus. Et au départ de Saint-Lazare, il y en a pour une petite vingtaine de minutes. Voilà, c'est très court. En plus, la ligne L, c'est en extérieur, donc vous pouvez profiter du beau temps s'il y en a. Ou de l'alternance beau temps et neige, comme aujourd'hui. Hein. En venant, il y a eu pas mal de giboulées qui sont tombées. Bref, donc voilà, ça sera demain, mardi 8 mars, à partir de 11h30, station Nanterre Université avec les lignes A du RER et ligne L du Transilien. Vous y accédez encore en bus avec le bus 304, si mes souvenirs sont bons, qui va de Nanterre à Colombes ou jusqu'à Beson, je crois, par là. Enfin bref, dans tous les cas, voilà, vous avez plusieurs moyens d'accéder à ce rendez-vous, qui aura lieu demain, mardi 8 mars, à 11h30, à l'Université Paris 10. Ça sera au rez-de-chaussée du bâtiment D. Voilà pour le premier rendez-vous demain concernant la journée de la femme. On continue avec à 12h30 cette fois-ci. 12h30, ce sera un rendez-vous, un rassemblement devant le siège du MEDEF, vous savez, cette organisation patronale. Donc ce sera à 12h30 devant le MEDEF. Alors, pour l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Ça, c'est la revendication pour ce rassemblement, bon, qui est appelé par diverses organisations syndicales principalement et quelques organisations féministes par ailleurs, notamment le collectif Droits des Femmes. Alors, le MEDEF, l'adresse du MEDEF, voilà, c'est au 55 avenue Bosquet, dans le 7e arrondissement de Paris. 55 avenue Bosquet, on y accède par le métro 8, station École Militaire, ou encore par les bus 92 et 80. Donc si vous voulez soutenir l'égalité homme-femme au travail et dans la vie, et surtout, principalement pour ce rassemblement, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, eh bien c'est demain à 12h30 devant le MEDEF. Et on va continuer dans les rendez-vous féministes de demain. Les rendez-vous féministes de demain avec un autre rendez-vous à 16h cette fois-ci. 16h, ce sera la permanence de... Alors que je retrouve mon petit papier, voilà. C'est la permanence qui s'intitule « S'entraider et lutter contre les violences sexistes ». Alors, ce sera au centre social, la 20e chaise, à 16h demain. L'adresse du centre social, la 20e chaise, c'est au 3840 rue des Amandiers. On y accède par le métro 2, station Ménilmontant, ou encore les métros 2 et 3, station Père-Lachaise. Et avec le bus, c'est le bus 69 qui permet d'accéder au centre social, la 20e chaise. Alors, c'est à 16h demain. Je vais lire un peu le petit texte de présentation de cette permanence. Alors, s'entraider et lutter contre les violences sexistes. Viol, violence dans les relations amoureuses, harcèlement sexuel au travail, lesbophobie, transphobie, violence médicale, sexisme quotidien dans la rue. Une fois par mois, nous vous accueillons pour un moment convivial de discussion et d'échange pour nous entraider à lutter contre les violences sexistes et à trouver des stratégies qui nous renforcent. Nous avons regroupé des informations, des brochures et des idées, etc. N'hésitez pas à passer nous voir si vous subissez des violences ou si un ou une proche en subit, si vous voulez échanger des expériences, discuter, collecter ou déposer des brochures, aider les autres à imaginer des solutions qui font du bien. En fonction des personnes présentes, les échanges possibles peuvent être en français, en espagnol, en roumain ou encore en anglais. Et toutes les personnes sont les bienvenues. Alors si vous avez une question, vous voulez les écrire par mail, il y a une adresse qui est donnée. C'est la 20e Jedi. Alors, la LA, 20 en chiffres, donc ça fait la LA 20. Ensuite c'est un E, et ensuite c'est Jedi, comme dans Star Wars, J-E-D-I. Voilà, la 20e Jedi, @riseup.net. R-I-S-E-U-P.net. Voilà, c'est l'adresse mail si vous voulez les contacter. C'est demain, à 16h, la permanence. Alors ça a lieu une fois par mois. Apparemment, c'est tous les premiers ou bien tous les deuxièmes mardis du mois. J'aurai l'occasion de vous préciser ça le mois prochain, donc, quand de nouveau il y aura de nouveau leur permanence. Voilà, Centre Social La 20e Chaise, 3840 rue des Amandiers, métro Ménilmontant, enfin station Ménilmontant, pardon, ou Père-Lachaise, ou encore en bus avec le. Eh bien, le 69. Autre rendez-vous de demain, ce sera à 18h. La manifestation féministe au départ de Châtelet. Au départ de Châtelet, je vous retrouve les informations complètes. Voilà, au départ de Châtelet, manifestation. Ça aura lieu à Châtelet, précisément à la Fontaine des Innocents. À la Fontaine des Innocents, qui s'appelle aussi la place Joachim Dubélé. Fontaine des Innocents, donc, à 18h. Alors, la station Châtelet-Léal, hein, on y accède avec le métro 1, le métro 4, métro 4 pardon, le métro 11, le métro 14, pour les RER, le métro 7 aussi, j'allais oublier, et pour les RER, eh bien, c'est avec le A, le B et le D. Et puis, alors pour les bus, il y en a au moins une trentaine qui y passent. Alors je ne vais pas tous les citer, hein, mais vous avez notamment le 72, mais d'autres encore. Et sachant que si vous arrivez par la station Châtelet-Léal, c'est la sortie Porte Lescaut qui amène à la Fontaine des Innocents. Voilà, donc retenez bien, c'est Porte Lescaut si vous venez en transport ferré. Avec en sortant à la station Châtelet-Léal, eh bien c'est la sortie Porte Lescaut qui amène le plus près de la Fontaine des Innocents. Le point de rendez-vous est donné à 18h et ça ira, cette manifestation, jusqu'à Saint-Lazare. Alors c'est appelé par beaucoup de monde, hein, Collectif National pour le Droit des Femmes, aussi par Alternative Libertaire, aussi par Elle Femmes du Maroc, par la Coordination Lesbienne en France, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bar Femmes Libres, l'émission Femmes Libres de Radio Libertaire, hein, le mercredi de 18h30 à 20h30, par Les Effontrés, par encore plein d'autres, par la Maison des Femmes de Montreuil également, voilà, donc voilà. Ce sera demain à 18h, Fontaine des Innocents, et n'oubliez pas, si vous venez par les transports ferrés, les métros et le RER donc, de sortir à la Porte Lescaut, qui est la plus proche de la Fontaine des Innocents. 18h, sachant que la manifestation ira vers la gare Saint-Lazare. Voilà, alors il faut, hein, il faut toujours, hein, je veux dire... en tant qu'homme, je sais que ce n'est pas forcément ma voix qui doit porter le plus, mais je me considère comme étant un homme qui lutte, ou qui tente de lutter contre le sexisme, hein, et toutes ces inégalités, et tout ce qui est inéquitable entre les sexes et les genres. Voilà, je pense que c'est nécessaire. Alors c'est dommage, toujours, hein, comme tous ces rendez-vous, c'est dommage que ça soit que sur une journée qui est décidée, c'est-à-dire demain, le 8 mars, la journée de la femme, ou soi-disant la journée de la femme, hein. Mais voilà, c'est tous les jours qu'il faut lutter contre le sexisme, contre le patriarcat, etc. Contre le machisme également, voilà. Et d'autres choses encore liées à ces luttes féministes. Donc demain 18h, il y a des chances que j'y sois aussi, hein, donc si vous voulez m'y retrouver pour discuter avec moi, voilà, il y a des chances que je sois à cette manifestation de 18h demain. Je rappelle le rendez-vous, Fontaine des Innocents à Châtelet. Alors, est-ce que j'ai d'autres rendez-vous à vous proposer pour la journée du mardi? Eh bien non. En tout cas, il y en a d'autres. Hein. Et comme je l'ai dit, il y a toujours une quinzaine de rendez-vous qui sont proposés par jour sur Paris et l'Île-de-France. Hein. Alors n'hésitez pas. Sinon, il y a demain la projection du film Comme des Lions, hein, qui est sur la lutte qui a eu lieu dans l'usine PSA, Peugeot Citroën, donc, de Aulnay-sous-Bois. Hein. Demain, la projection aura lieu à Saint-Denis, à 20h. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre pour demain ? Donc, bah voilà, j'ai rajouté un rendez-vous de plus. On va passer au jour suivant. Alors, le mercredi 9, je le garde pour tout à l'heure. Hein, dans une vingtaine de minutes, je ferai un gros point pendant tout le reste de l'émission concernant la journée de mobilisation du mercredi 9, en lisant quelques textes d'appel et en essayant de vous proposer le maximum de rendez-vous. De rassemblements et de manifestations qu'il y a partout en France et ailleurs également. Voilà, ça sera tout à l'heure, hein, dans une vingtaine de minutes dans l'émission, où je ferai un gros point sur la journée du mercredi 9. Donc on va passer à la journée du jeudi 10. Le jeudi 10, alors, il y a la manifestation des retraités, qui aura lieu à 14h30. Alors c'est une manifestation qui est déjà décidée depuis fin janvier, hein. Donc ce n'est pas quelque chose qui se chevauche avec les mobilisations du 9 mars. Voilà, cette journée-là avait été décidée fin janvier, donc bon. C'est très bien qu'il y ait des mobilisations tous les jours, des manifestations massives tous les jours. Moi, c'est ce que je souhaite, hein. Et des grèves tous les jours, c'est pareil. Jusqu'à temps de faire reculer le gouvernement petit à petit, et pour qu'enfin, hein, le grand soir, même si c'est peut-être qu'utopique, mais qu'à un moment donné, on puisse quand même faire basculer tout ça. Donc à 14h30, c'est la manifestation des retraités. À 14h30, ça démarrera de Montparnasse, donc devant, au parvis qui est devant la gare Montparnasse. Montparnasse, on y accède avec, évidemment, les trains grande ligne, hein, les TGV et les intercités, mais aussi la ligne 4 du métro, la ligne 6 également. Et je vous donne le reste dans quelques secondes, le temps que je retrouve mon petit papier à ce sujet. Et voilà, donc Montparnasse, métro 4, je l'ai dit, métro 6 aussi, on a le métro 12 et le métro 13 également qui y passent, ou encore la ligne N, comme Noémie, la ligne N du Transilien qui dessert la gare Montparnasse également. Donc voilà, Montparnasse, et ce sera à 14h30, comme je l'ai dit, sachant que la manifestation se dirigera vers Varennes. Varennes qui est pas loin des Invalides, hein, qui est aussi sur la ligne 13 du métro. Alors, j'ai pas les lignes de bus, malheureusement, mais il y en a aussi un certain nombre qui passent à la gare Montparnasse. Alors, je vais vous lire un peu les revendications des retraités. Alors, c'est les principales organisations syndicales, les unions locales, les fédérations de retraités, en tout cas. Voilà. Qui appellent à cette manifestation. Sachant que, voilà, elles ont pris acte des reculs sociaux sur les retraites qui risquent de s'accroître selon quelques rapports. Le rapport de l'OCDE sur l'âge de départ, qui veut continuer à augmenter encore l'âge de départ à la retraite. Alors bientôt, on va travailler jusqu'à 90 ans et on n'aura pas de retraite. C'est vraiment incroyable. Le rapport de la Cour des comptes sur la pension de réversion et d'autres choses encore. Et donc les retraités ont décidé d'amplifier la mobilisation qui a commencé déjà le 3 juin 2014, hein, donc il y a bientôt 2 ans que cette mobilisation existe. Donc de manifester le jeudi 10 mars sur la revendication centrale du pouvoir d'achat, ça c'est les centrales syndicales, hein, je ne fais qu'exprimer le point de vue des centrales syndicales en lisant le texte. La revendication du pouvoir d'achat en baisse à cause du retard grandissant entre la revalorisation de l'ensemble du système des pensions de retraite par rapport au salaire moyen, de l'augmentation de la fiscalité spécifique aux retraités, du poids grandissant des dépenses contraintes des personnes âgées, et notamment en matière de santé. Voilà. Et donc, les revendications sont les suivantes. Une revalorisation des pensions en fonction de l'augmentation du salaire moyen et une pension au moins égale au SMIC revalorisé. N'oublions pas que la majorité des retraités aujourd'hui, plus de 50% des retraités aujourd'hui, touchent le minimum retraite qui est de 400 et quelques euros par mois. Donc on est déjà bien en dessous de la limite de pauvreté qui se situe vers 900 euros. Hein. Donc voilà, plus de 50% des retraités touchent 420 euros par mois. Donc voilà pourquoi il y a une revendication que la pension de retraite soit au moins égale au SMIC, et c'est légitime. La défense des pensions de réversion et leur déplafonnement dans le régime général. Et troisième revendication, d'appeler les organisations de retraités dans les départements à se rencontrer afin d'amplifier la mobilisation et de préparer dès maintenant la mobilisation du 10 mars, c'est-à-dire celle de jeudi, avec des manifestations, des rassemblements, des conférences de presse et d'autres choses encore. Alors je ne vais pas vous lire tous les tracts syndicaux de la CGT, de FO ou de Solidaires, mais voilà. Ce qui est dommage, toujours, en tout cas de mon point de vue, hein, c'est que bon, l'augmentation du pouvoir d'achat, eh bien, ça légitime le capitalisme, en fait. Hein, et c'est dommage que les retraités, les organisations de retraite, n'aillent pas plus loin, en fait, dans leurs revendications contre le capitalisme en général. Hein, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat, ça reste quand même des revendications très bas de gamme, mais je dirais nécessaire. Hein. Faut pas comprendre mal ce que je dis. Hein. C'est des revendications de base, et c'est légitime que ces choses-là soient revendiquées. Néanmoins, c'est vrai que des fois, ils pourraient être un peu plus forts dans leurs textes et dans leurs revendications. Hein, on rajoutait quelques revendications plus vigoureuses, je dirais. Mais en tout cas, voilà, c'est la manifestation des retraités. Je pense que c'est aussi une lutte à soutenir, peu importe l'âge qu'on a, d'ailleurs. Et donc, c'est jeudi 10 mars à 14h30, départ de Montparnasse. Et ça ira en direction de Varennes. Montparnasse, on y accède avec la ligne N du Transilien, ou encore les métros 4, 6, 12 et 13. D'autres rendez-vous jeudi, je regarde ça tout de suite. Oui, un autre rendez-vous qui aura lieu le soir, cette fois-ci. Le soir, ça sera à 19h. À 19h, une projection de film, La face cachée d'Hiroshima. Et cette projection aura lieu à la BAM. La BAM, c'est la bibliothèque associative de Malakoff. Alors, projection de La face cachée d'Hiroshima. Alors, j'essaye de retrouver cette projection, mais je n'arrive plus à la retrouver. Mais enfin, ce n'est pas grave dans tous les cas. Voilà, c'est à 19h, projection de La face cachée d'Hiroshima. Ah mais non, mais je me trompe, c'est vendredi 11 cette projection. Alors reprenons, pour jeudi 10, la manifestation des retraites 14h30 à Montparnasse, voilà, c'est le seul rendez-vous que je vous proposerai pour le jeudi 10, on va passer au vendredi 11, avec, à 19h donc, la projection de La face cachée d'Hiroshima, vendredi 11 mars, à 19h, à la BAM, la bibliothèque associative de Malakoff. Je retrouve l'adresse exacte. Alors, je vais la retrouver, mais sachez déjà que c'est sur la ligne 13 du métro et il faut descendre à la station Malakoff, rue Étienne Daulet. Alors, précisément, la BAM est située au 14 Impasse Carnot. C'est vraiment à quelques minutes à pied de la station Malakoff rue Étienne Daulet. Hein. Alors, je vais vous lire le petit texte de cette projection. Alors, La face cachée de Hiroshima. L'alliance inédite des militaires, politiques, scientifiques et médecins qui ont fabriqué, dans le plus grand secret, la bombe. La catastrophe de Fukushima marquera-t-elle un coup d'arrêt pour le nucléaire et sa course à la conquête du monde? C'est au Japon qu'elle avait commencé 66 ans plus tôt. Le peuple japonais est le seul à avoir été par deux fois victime de l'atome, c'est-à-dire les bombes de Hiroshima et de Nagasaki. Le 6 août 45, la première bombe atomique de l'histoire détruit une ville de 100 000 habitants en quelques secondes. Jusqu'à ce jour, Hiroshima et Nagasaki sont les deux seules villes où des armes nucléaires ont été dirigées contre des êtres humains. sans compter les tests. Hein. Là, c'est moi qui le rajoute, hein, cet aparté, mais sans compter les tests atomiques qui ont eu lieu et qui ont irradié aussi des populations civiles. Hein. Donc, il faut quand même se rappeler de ça. Je reprends. Le nom d'Hiroshima est devenu le symbole de l'entrée de l'humanité dans l'ère nucléaire. L'histoire officielle, écrite après-guerre par les architectes de la bombe, se résume au « mal nécessaire ». Il fallait utiliser cette arme nouvelle et terrifiante pour terminer la guerre. Mais derrière la version des manuels scolaires et des films de propagande se cache une toute autre histoire. La face cachée de Hiroshima revient sous un angle inédit sur les faits qui ont entouré les premières explosions atomiques de l'histoire de l'humanité. Depuis les coulisses du projet Manhattan jusqu'aux recherches secrètes menées au Japon des décennies durant, le film dévoile l'histoire fascinante des scientifiques qui ont conçu et expérimenté la bombe nucléaire. Dans le plus grand secret, en concluant un pacte avec les militaires et les industriels, une relation triangulaire va mener le monde au feu atomique. Hiroshima et Nagasaki marquent le véritable coup d'envoi de l'industrie nucléaire civile et de son essor prodigieux dans l'après-guerre. Et on le voit aujourd'hui avec toutes les centrales qu'il y a, notamment en France, mais dans d'autres pays. Hein. Dans d'autres pays. Sachant que la plupart des déchets radioactifs, donc des centrales, peuvent rester radioactifs jusqu'à encore 100 000 ans dans le futur. 100 000 ans. L'humanité n'existera plus dans 100 000 ans. Mais quelle planète allons-nous laisser dans les 100 000 prochaines années ? C'est quelque chose d'effrayant, en tout cas pour moi. Voilà, vendredi 11 mars à 19h à la BAM, la bibliothèque associative de Malakoff, 14 impasse Carnot, on prend la ligne 13 et on descend à la station Malakoff rue Étienne Dolay. Et la projection débute à 19h sur la face cachée d'Hiroshima. Mais juste avant ce rendez-vous, à 17h30, il y aura eu le rassemblement Fukushima, 5 ans après. Le 11 mars 2011 a eu lieu à Fukushima, au Japon, la plus grande catastrophe nucléaire, 25 ans après celle de Tchernobyl. 5 ans après, la catastrophe continue. Chaque jour, la centrale de Fukushima rejette dans l'air, dans la terre et dans l'océan Pacifique des poisons radioactifs polluant la terre et la mer de façon durable. Et aucune solution n'a été trouvée pour arrêter la catastrophe en 5 ans. Alors venez nombreux à ce rassemblement pour soutenir la population de Fukushima, pour dénoncer la persistance en France et dans le monde de l'industrie nucléaire dangereuse, coûteuse et totalement obsolète. Au programme, musique et prise de parole, animation sur la place de la République. Et donc voilà, c'est à 17h30 le vendredi 11 mars, place de la République, et puis bon, comme je l'ai dit, de la musique, des prises de parole et des animations sur cette place pour fêter ce triste anniversaire des 5 ans de l'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima. Avec place de la République, on y accède en métro, avec les métros, donc c'est Station République, avec les métros 3, métro 5, métro 8, métro 9, ou encore avec la ligne 11. Et puis les bus, alors là, il y a le 20, le 65, le 96... Et 5 ou 6 autres encore qui desservent la place de la République. Pour vendredi 11, ce sera tout ce que j'ai à vous proposer en tout cas, hein, mais il y a encore d'autres rendez-vous. Samedi 12 mars, alors à partir de 14h, et ce jusqu'au soir, la journée de solidarité avec le peuple kanak. Et ça aura lieu à la CNT, au 33 rue des Vignoles, métro Avron ou Buzinval. On y accède avec la ligne 2 du métro, station Avron, ou la ligne 9, station Buzinval, ou encore avec le bus 57. Alors, la journée de solidarité avec le peuple kanak, c'est organisé par la CNT dans le cadre de la semaine anticoloniale 2016, hein, en partenariat non seulement avec ce qui a été organisé le week-end dernier à la Bellevilloise, le salon anticolonialiste, et puis évidemment en partenariat avec l'émission Sortir du colonialisme qu'il y a les vendredis sur Radio Libertaire. Alors, petit descriptif de cette journée du samedi 12, à 14h30, il y aura une projection débat. Projection de dépossession culturelle et colonialisme. à 16h, une discussion sur les luttes et les solidarités du passé de l'USTKE, pardon, USTKE, sur le conflit emblématique de Carsud. À 17h, les luttes du présent et les perspectives dans les luttes kanak. À 19h30, restauration kanak. Et à 20h30, des petits concerts de musique kanak et kaneka. Voilà, ce sera samedi 12 au Vignol, à la CNT, 33 rue des Vignoles, comme je l'ai dit. Station Luzinval avec le métro 9, station Avron avec le métro 2 ou encore avec le bus 57. Autre rendez-vous de samedi, ce sera à 16h, dans le cadre de l'école de la rue, la petite université populaire du groupe Louise Michel de la Fédération anarchiste, que je salue. Et que je salue aussi les présentateurs et présentatrices de l'émission Pas de quartier, l'émission du groupe Louise Michel de la Fédération anarchiste qui a lieu un mardi sur deux sur Radio Libertaire en fin d'après-midi. Alors à 16h, ce sera un débat sur l'avortement et les mouvements anti-avortement aux États-Unis. Donc cette conférence, comme je l'ai dit, dans le cadre de l'école de la rue, du groupe Louise Michel de la Fédération anarchiste. Alors pour le petit topo, aux États-Unis, l'avortement est un droit constitutionnel depuis 1973. Malgré cela, le droit des femmes à disposer de leur corps n'a jamais cessé de subir des assauts d'une incroyable violence de la part de fanatiques religieux lourdement armés, de groupes de pression d'extrême droite et de gouverneurs républicains qui mettent en œuvre un véritable harcèlement juridique pour rendre l'avortement quasiment impossible dans leurs États. Dans ce contexte, l'accès à l'IVG et à la contraception va constituer l'un des enjeux majeurs des élections présidentielles de novembre 2016. Voilà, si vous voulez discuter avortement et anti-avortement aux États-Unis, une seule adresse, la bibliothèque Larue, samedi 12 mars à 16h, bibliothèque située au 10 rue Robert Planquette. Et on y accède de quelle façon ? Eh bien, on y accède avec la ligne 2 du métro. Station Blanche, ou la ligne 12, station Abbesse. Voilà pour la journée du samedi. Dernier rendez-vous samedi, ce sera un concert punk anarchiste féministe. Ça aura lieu à 19h, au squat La Petite Maison. Concert du groupe Vizcacha Rebelde, que je salue par ailleurs, puisque la chanteuse de ce groupe est membre de la Fédération anarchiste. Alors, soirée de soutien au féministival Wonder Woman, avec un concert punk de Vizcacha Rebelde, des expos peintures et une bonne ambiance, bien évidemment. L'entrée est à partir de 5 euros, mais si vous voulez donner plus, eh ben, vous pouvez aussi. Vizcacha Rebelde présentera son nouvel album, et La Petite Maison, où est-ce que c'est ? Eh bien, c'est au 8 rue Godefroy Cavaignac. Métro 9 avec les stations Charonne ou Voltaire, ou encore avec les bus 56, 46 et 76. Et normalement, vous aurez l'occasion de retrouver une table de presse de la Fédération anarchiste de la librairie Publico pendant ce concert. Alors n'hésitez pas à venir discuter avec nous pendant cette soirée de concert punk anarchiste féministe à La Petite Maison. N'oublions pas que La Petite Maison s'est fait couper l'eau. Donc, si vous voulez apporter des bouteilles d'eau, eh bien, n'hésitez pas, puisque il et elle en ont besoin. Voilà pour le samedi 12. Dernier rendez-vous, peut-être le dimanche 13, avec à 15h, dimanche 13, une manifestation féministe non mixte. Hein, je le rappelle, c'est non mixte. Voilà, qui démarrera à 15h de la place de la Bastille. Par contre, je ne sais pas vers... Ah si, pour aller vers la République. Voilà, manifestation non mixte, hein, je le rappelle. Alors, j'ai pas de texte sous les yeux à vous lire, mais c'était pour vous en informer. si voilà, les femmes veulent aller manifester en non-mixité, eh bien c'est dimanche 13 à partir de 15h à Bastille, et la manifestation se dirigera vers la place de la République. C'est le dernier rendez-vous que j'ai à vous proposer pour la semaine sur Paris et l'Île-de-France. Ah si, je vais vous faire quand même les événements de la librairie Publico. Car il y a des événements cette semaine à la voûte Publico. La voûte, vendredi 11. Vendredi 11, ce sera à 19h30, une soirée proposée par l'émission Blues en Liberté de Radio Libertaire, que vous retrouvez tous les mardis ou mercredis, je ne sais plus. C'est tous les mercredis à partir de 10h30 jusqu'à 12h30. L'émission Blues en Liberté. Et vendredi 11, ce sera trois films qui seront proposés, trois concerts à différentes époques, trois concerts de Muddy Waters. Donc du blues, hein, du blues, des concerts de blues en perspective pendant toute cette soirée du vendredi 11 à Publico. Et le samedi 12, encore de la chanson, ce sera Frédéric, qui sera en concert à la voûte Publico dans le cadre du festival Femmes de Parole, qui a lieu tout le mois de mars à la voûte Publico, et en partenariat avec l'association Mots et Musique. Et Frédéric qui chantera Gaston Couté et Pierre Mac Orlan. Autre rendez-vous de Publico le dimanche, si j'arrive à retrouver. Voilà. Projection du film « On a voulu nous rendre cons, c'est raté », qui est proposé à l'initiative du groupe d'Ivry de la Fédération anarchiste, qui proposera un retour sur le mouvement contre la réforme de Vaquet en 1986, à l'heure où la jeunesse se mobilise contre la loi travail aujourd'hui. Un groupe de lycéens, les Lascars du LEP électronique, vont alors s'exprimer à travers des tracts qui critiqueront l'éducation, les profs, les étudiants et le travail. Ce documentaire, on a voulu nous rendre cons, c'est raté, est aussi une réflexion sur la lutte des classes au sein d'un mouvement. La librairie Publico, donc ce sera dimanche 13 à 16h. Hein. N'hésitez pas à venir. Librairie Publico, c'est au 145 rue Amelot. On y accède par la station Fille du Calvaire avec la ligne 8 du métro, les stations Oberkampf avec la ligne 5 et la ligne 9, ou encore la station République avec les lignes 3, 5, 9, 8 et 11 également. Et puis tout plein de bus, hein, donc c'est facilement accessible. On va se faire une petite pause musicale et juste après, on parlera jusqu'à la fin de l'émission de la mobilisation du mercredi 9. Alors, le temps que je mette un CD dans la platine, sachant que je suis tout seul pour gérer et la parlotte, et les petits papiers, et, et la technique. Et donc, j'avais envie de vous passer, vu que c'est d'actualité, hein, pour la journée du mercredi 9, un chant révolutionnaire italien. Un chant révolutionnaire italien, et je pense que je vais vous mettre... Oui, voilà. Un chant anarchiste italien de lutte. Je vous mets ça tout de suite... Et on se retrouve juste après. Noi siamo i poveri, siamo i pezzenti, la sporca plebe di questa età, la schiera innumere dei sofferenti, per cui la vita gioie non ha. Nel crudo inverno la nostra prole, per lunga inedia languir vediam, solo per i ricchi risplende il sole, mentre si esultano noi fame abbiamo. Pur natura tutti uguali, ti è diritti sulla terra, noi facciamo aspra guerra ai ladroni, agli oppressori. mortali, finché un uomo sovr'altro imperi, i nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttator. Triste spettacolo, le nostre donne, per noi primizie non han d'amor. Ancora in puberi, sciolte le gonne, si danno in braccio di lor signor. Son nostre figlie, le prostitute, che muoion tisiche negli ospedal. Le disgraziate si son vendute per una cena, per un grembial. Pur natura tutti uguali, die diritti sulla terra, noi facciamo aspra guerra ai ladroni, agli oppressori. Non sia pace tra i mortali, finché un uomo sovr'altro imperi, i nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttator. I patri al nome da lor sospinti, contro altri popoli noi si pugnò. Ma vincitori fossimo o vinti, la nostra sorte mai non cangiò. Tedesco d'Italo se va padrone, il sangue nostro deve succhiar. La patria libera è un'irrisione, se ancora il pasto ci fan portare. Pur natura tutti uguali, die diritti sulla terra, noi facciamo aspra guerra ai ladroni, agli oppressori. Non sia pace fra i mortali, finché un uomo sovr'altro impera. A noi più fieri sono i nostri sfruttator. Nelle officine, sui monti e piani, giù nelle mine, sudiam, sudiam. Ma delle nostre fatiche immani il frutto intero non raccogliam. Poi fatti vecchi veniam rinchiusi dentro i ricoveri di carità, e sul berretto di noi reclusi bollano i ricchi la lor pietà. Pur natura tutti uguali, che diritti sulla terra, noi facciamo aspra guerra ai ladroni, agli oppressori. Non sia pace fra i mortali, finché un uomo sovr'altro imperi, i nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttatori. Non sia pace fra i mortali, finché un uomo sovr'altro imperi, i nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttatori. Et vous êtes sur Radio Libertaire, toujours sur le 89.4 sur la bande FM. Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître de la Fédération anarchiste, et aussi sur le net, sur le site internet de la radio, pour écouter en streaming par internet. C'est le site suivant, www.radio-libertaire.net. Alors voilà, c'était une petite chanson anarchiste italienne, écrite par Pietro Gori, et qui s'intitulait Inno dei Pezzanti. Voilà. Alors, la journée du mercredi 9, c'est la journée de mobilisation, hein, comme vous le savez, la journée de mobilisation contre la loi El Khomri. Cette loi qui amène encore plus d'inégalités, qui amène encore plus de pouvoir, hein, dirons-nous, de pouvoir au patronat, Non. Je recherche mes petits papiers que je devais vous lire. Alors, c'est beaucoup mieux quand il y a Milan qui m'accompagne, puisque nous pouvons gérer tout ça à deux. Mais quand je suis tout seul, c'est un peu pas évident. Voilà. Donc, mercredi 9 mars, bien évidemment, hein, la journée de lutte contre la loi M. Khomri. J'essaye de vous retrouver tout ça. Alors. Eh bien, il y aura de toute façon différents cortèges pour la manifestation du mercredi 9. Je voulais vous lire quelque chose qui était sur le site Paris Lutte Info, et malheureusement, le site Paris Lutte Info est actuellement hors service. Alors, ça m'embête, parce que je voulais vous lire ça à partir de ce site, et malheureusement, eh bien, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on va faire autrement. On va faire autrement. Alors... Alors, il y a déjà un certain nombre d'universités qui ont décidé de bloquer ou de faire des assemblées générales à partir de demain soir et mercredi matin. Hein. Il y a des universités qui vont être bloquées aussi. Je pense notamment, j'ai vu que Tolbiac avait l'air assez chaude pour faire des choses dans cet ordre-là. À Paris 8 aussi, Saint-Denis, à Paris 10 aussi, à Nanterre, et dans d'autres lieux, hein, au moins encore dans une autre vingtaine de lieux, ou une quinzaine de lieux universitaires de la capitale, hein, donc les étudiants se mobilisent aussi, des lycées aussi. Des lycées aussi, puisqu'il y a la manifestation présentée par le MILI, le mouvement interlutte indépendant, qui espère, en tout cas, de par son appel, eh bien, que de nombreux et nombreuses lycéens et lycéennes, et pas que, hein, tout le monde a le droit d'aller à cette mobilisation qui aura lieu à 11h, place de la Nation. Et nous espérons en tout cas que cette mobilisation aussi des jeunes sera massive, sachant que le MILI appelle aussi à ce que les jeunes de la manifestation de 11h rejoignent la manifestation de 14h à République. Alors, nous allons continuer, voilà. La grève du 9 mars s'est appelée par, évidemment, des confédérations syndicales, la CGT, la CGTFO, Sud Solidaire, la CNT, et peut-être d'autres aussi. Il y aura la manifestation, comme je l'ai dit, à 11h, des lycéens et lycéennes, mais pas que. Hein, tout le monde a le droit aussi d'aller à cette manifestation à 11h place de la Nation, qui rejoindra la manifestation de 14h à République. Mais il y a une autre manifestation aussi qui a été décidée par les confédérations syndicales après que la manifestation de République ait été décidée, et qui appelle, elle, à venir devant le MEDEF à 12h30. Pour ma part, je ne pourrais pas être à la manifestation du matin à 11h place de la Nation, mais je serai à la manifestation de 14h à République. Et j'espère qu'il y aura du monde du côté des libertaires à République à 14h. Si vous êtes isolé et que vous voulez faire grève, eh bien sachez que si un préavis de grève a été déposé au niveau national ou au niveau régional, vous pouvez vous mettre en grève sans risquer un licenciement. Hein, que vous soyez en CDI, vous êtes dans votre droit de faire grève s'il y a un appel s'il y a un préavis de grève d'une confédération représentative, c'est-à-dire d'une confédération, c'est-à-dire la CGT ou la CGTFO, ou de la CFDT aussi, hein. Mais même si je ne les aime pas beaucoup, je ne les aime pas du tout même. Voilà, si vous êtes en CDD, vous pouvez également vous mettre en grève, c'est possible. S'il y a un préavis qui a été décidé, bien évidemment, le patron peut agiter la menace de ne pas redonner le CDD à la fin de sa fin. Désolé hein, si je m'embrouille, mais étant donné que je n'ai plus les textes sous les yeux puisque je comptais les lire à partir de Paris Lutte Info, eh bien malheureusement, voilà, je me retrouve à devoir broder. Si vous êtes stagiaire, vous êtes aussi vous concerné, vous pouvez aussi faire grève de façon légitime, sans risquer de vous faire exclure de l'entreprise où vous êtes en stage. Hein, c'est dans le code du travail. Vous avez le droit de vous mettre en grève. Si vous êtes en intérimaire, eh bien, c'est possible aussi. Vous êtes dans votre droit. Si, encore une fois, hein, s'il y a un préavis déposé par une centrale, par un syndicat représentatif, eh bien, vous pouvez vous mettre en grève. Hein, le patron n'a aucun moyen de pression à vous faire en disant « Et si vous vous mettez en grève, je ne vous rembauche pas, je vous donnerai moins de travail, je vous mettrai à la porte, tout ça. » Notez-les bien. Hein, enregistrez le patron s'il vous fait des menaces de cet ordre-là. Notez-les sur un papier. Demandez à ce que ça soit mis par écrit. Et puis, si jamais vous êtes dans votre droit de faire grève, hein, n'ayez pas peur des menaces patronales. N'ayez pas peur. Si il vous menace et qu'il met à exécution cette menace, au prud'homme, vous gagnerez dans 100% des cas. Hein, dans 100% des cas, vous gagnerez au prud'homme. Et ça sera marqué comme licenciement non valable ou licenciement abusif. Donc, et parfois avec obligation de réintégration dans l'entreprise. Hein. Donc notez bien toutes ces menaces que le patronat pourrait vous faire, puisque vous êtes dans votre droit de participer à la grève. Par contre, voilà, notez les menaces que le patron pourrait vous faire. Ça peut servir pour un possible, une poursuite en tout cas, au prud'homme. Hein, donc, mais vous avez tous les droits à partir du moment où il y a un préavis qui est décidé, vous pouvez le faire. Il y a une grève de prévue à la RATP et à la SNCF. Donc les transports risquent d'être énormément impactés. Il y a également un cortège pour la manifestation de l'après-midi, c'est-à-dire la manifestation qui débutera place de la République à 14h, eh bien, il y a un cortège, si je ne m'abuse, anti-validiste. Voilà. Alors, un cortège anti-validiste, c'est quoi ? Un cortège antivalidiste, ce sont les personnes handicapées ou dites handicapées qui appellent à ce qu'il y ait un cortège de personnes handicapées. Pourquoi ? Eh bien parce que les personnes handicapées sont discriminées aussi dans les entreprises, payées moins, elles font des heures en moins alors que des fois elles pourraient faire plus d'heures. Enfin, bref, il y a tout un tas de choses qui sont discriminantes pour les. Elles sont mises parfois au placard, hein, dans les entreprises. Voilà, il y a un cortège anti-validiste qui sera fait et c'est bien. Moi, je trouve ça bien parce que c'est vrai qu'on oublie totalement les personnes handicapées dans la plupart des cas, peu importe le handicap, hein, d'ailleurs. Mais voilà, il y aura un cortège anti-validiste avec des personnes en fauteuil roulant ou pas. Mais voilà, il y aura un cortège anti-validiste pour marquer aussi que cette loi n'est pas favorable aux personnes, la loi El Khomri donc, n'est pas favorable aux personnes handicapées. Donc, il y aura ce cortège. Sur les mobilisations, il y en a énormément. Pour vous en donner quelques-uns, il y en aura, en Martinique. Il y aura un rassemblement en Martinique, à La Savane, dès 8h. Il y aura dès 8h, mercredi, à Fort-de-France. Il y aura un rassemblement à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, devant la mairie. Rendez-vous à 14h, devant la mairie de Pointe-à-Pitre, le 9 mars. Il y aura d'autres rendez-vous. Je commence par les rendez-vous des Dom-Tom, parce que ce sont les moins nombreux. Il y aura un rendez-vous à Nouméa, sur la place du marché de Nouméa, mercredi à 10h. Il y aura un rendez-vous en Espagne. Un rendez-vous à Castelo de la Plana, rue de la mairie à Castelo de la Plana, à 14h. Il y aura un rendez-vous à Berlin, à 11h, mais je ne sais pas où, mercredi à 11h. Après, voilà, il y a tout un tas de rendez-vous. Et s'il y a encore un rendez-vous international dans la ville de Monza, à rue Girolamo Bongasi, en Italie, à 15h, voilà, un rendez-vous de solidarité également. Et puis plein d'autres rendez-vous partout en France, dans les principales grandes villes et dans les villes moyennes également. Mais on va commencer par Paris, même si je vous ai déjà dit les rendez-vous qu'il y aura. 14h, place de la République, apparemment ça se dirigera vers la place de la Concorde. Donc ça traversera tout Paris, c'est génial. Autre rendez-vous à 12h30 devant le MEDEF. Autre rendez-vous devant la Grande Arche du quartier d'affaires de la Défense à 12h30 également. Le rendez-vous du Mili à 11h pour les lycéens. Ça, c'est pour Paris et la région Île-de-France. Et après, quand on s'éloigne un peu, on découvre qu'il y a encore plein d'autres rendez-vous. Plein d'autres rendez-vous avec des rendez-vous... Allez, on va commencer par les grandes villes. Alors, des rendez-vous à Lyon. Il y en a un certain nombre aussi. Alors, à Lyon, place Bellecour, à partir de 13h. Place de la République aussi, à Montauban, devant la préfecture de Montauban, à 11h. Toujours mercredi. Hein. Mercredi à Lyon, dans le 7e arrondissement, devant la MJC Jean Massé. Rendez-vous à 18h. Toujours dans Lyon. À 13h, devant la gare de Lyon-Pardieu. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer ? À Grenoble, il y a aussi des mobilisations. À Grenoble, place de la préfecture, de 12h à 14h. À Chambéry, également. Chambéry, à 14h. Et je ne sais pas où exactement, mais ce sera à 14h. Plus au sud, à Toulon. Il y aura je ne sais pas si c'est un rassemblement ou une manifestation, mais ce sera à 11h30, place de la Liberté. À Nice, également. À Nice, place Garibaldi, rendez-vous est à 13h. Il y aura à Draguignan, si on reste dans le sud-est, pardon, à la sous-préfecture de Draguignan à 11h30. Et même en Corse, il y a des rendez-vous. Rendez-vous à Ajaccio. Préfecture de la région à midi. Rendez-vous à Perpignan, 11h30 devant la préfecture. Rendez-vous à Pau. À Pau, le rendez-vous est donné à 13h devant la préfecture également. Il y aura un rendez-vous à Bayonne. Place de Saint-Ursule, le rendez-vous est donné à 10h. Qu'est-ce que je pourrais vous donner encore ? Il y a beaucoup de rendez-vous. À Bourges, le rendez-vous est donné à 17h, place du 8 mai 45. À La Rochelle également. Et je n'ai pas les horaires. Il y aura des rendez-vous à Brest. À Brest, le rendez-vous est donné, mais pareil, je n'ai pas d'horaire encore, mais ça va venir d'ici demain, je pense. Le 9 mars 2016, rendez-vous à 10h30 au Mans, place des Jacobins. à Chartres, rendez-vous midi devant la préfecture. À Dunkerque, rendez-vous place Jean-Bart, le rendez-vous est donné à 9h mercredi. À Calais, rendez-vous à 13h, mais le lieu est à définir mercredi. À Dieppe, le rendez-vous est donné à 10h devant la sous-préfecture. À Reims, le rendez-vous est donné à 14h place Royale. Qu'est-ce que je pourrais vous donner encore ? À Tours, le rendez-vous est donné à 10h, place Anatole France. Comme vous le voyez, des rendez-vous dans beaucoup, beaucoup d'endroits en France. À Troyes, le rendez-vous est donné à 14h, place de la mairie. À Metz, le rendez-vous est donné alors à 11h30, Rassemblement populaire, place de Gaulle, devant la gare SNCF de Metz. Et à 14h30, place Mazel, pour se joindre à l'appel des syndicalistes et manifestations à travers la ville jusqu'à la préfecture. D'autres rendez-vous à Angoulême. Rendez-vous est donné, place de l'Hôtel de Ville à 14h. À Clermont-Ferrand, rendez-vous donné. Je ne sais pas. Il y a une intersyndicale qui aura lieu le 29 à 15h, mais je ne vois pas d'autres choses. Montluçon, rendez-vous 17h devant la sous-préfecture. Qu'est-ce que j'ai d'autres rendez-vous à vous donner ? Alors, à Montbéliard, il y aura 14h devant la halle du champ de foire. D'autres rendez-vous ? Allez, à Rouen. C'est près de Paris, ça. Rouen, rendez-vous. Alors, rendez-vous donné à Rouen. Cours Clémenceau, à 10h30 du matin, mercredi 9. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore ? À Beauvais, 12h devant l'entreprise à Novo. D'autres rendez-vous encore ? Je ne sais pas si j'ai donné le rendez-vous de Reims devant la place Royale. Dans le nord de la France, il y aura des rendez-vous à Arras, préfecture à 11h, à Béthune, place du Beffroi, à 11h, et je salue les compagnons et compagnonnes du groupe de Béthune de la Fédération anarchiste également. À Leucato-Cambrésis, il y aura dès 7h du matin le blocage du lycée Camille Desmoulins. Est-ce qu'il y aura d'autres choses ? À Valenciennes, devant la place d'armes, enfin sur la place d'armes, à 10h du matin. Beaucoup de rendez-vous, hein, comme vous le voyez. J'essaye d'en donner le plus possible. À Douai, à Place d'Armes de Douai, le rendez-vous est donné à 10h. Qu'est-ce que je pourrais vous donner encore comme d'autres rendez-vous ? À Châteauroux, le rendez-vous est donné à 10h, Place de la République. À Montluçon, je ne sais pas si je l'ai donné. À la sous-préfecture, à 17h. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? À Mâcon, rendez-vous est donné à 13h, Square de la Paix. D'autres rendez-vous, on va retourner en Bretagne. À Lorient, le rendez-vous est donné à 14h, place de la mairie. À Quimper, le rendez-vous est donné, place de la Résistance, à 14h également. À Saint-Malo aussi, des rendez-vous. Saint-Malo à 11h, médiathèque La Grande Passerelle. À Cherbourg, place de la mairie à 16h30. Donc comme vous le voyez, beaucoup de rendez-vous et encore d'autres rendez-vous qui vont se rajouter. D'ici mercredi. Je vois qu'il y a un rendez-vous à Aix-en-Provence aussi. Je vous donne ça dans les secondes qui arrivent. Place de la Rotonde à 17h. À Aix-en-Provence, mercredi. À Marseille. Marseille, place du Général de Gaulle à 11h30. Le rendez-vous est donné. Je ne sais pas si j'ai donné le rendez-vous de Toulon. Toulon, place de la Liberté à Toulon à 11h30 également. À Montpellier, je crois qu'il y a des... À Carcassonne aussi. Carcassonne, rendez-vous à 12h au 2 rue Barbe. À Narbonne, il y a aussi à 18h le rendez-vous est donné, mais je n'ai pas le lieu précis. À Montpellier, le rendez-vous est donné à 14h à la gare de Montpellier. Voilà. À Nîmes aussi. Devant le tribunal de Nîmes, mais je n'ai pas l'adresse exacte. À Avignon, place de l'Horloge à midi. ou encore à 17h30 devant la préfecture du Vaucluse, les deux rendez-vous pour Avignon. Bon, je suis désolé, je n'ai pas pu lire les textes que je voulais vous lire puisqu'ils étaient sur Paris Lutte Info et que le site est actuellement en stand-by, hein, il n'est pas fonctionnel. J'espère que ça sera réparé d'ici là. Alors désolé pour le nombre de rendez-vous que je vous ai donné là maintenant, mais voilà, sachez qu'il y a beaucoup de rendez-vous pour la journée du 9. Il est 14h25 et toutes les personnes de Honte de Choc sont déjà dans le studio. Alors on va finir par deux petites chansons. On va finir par... Par la chanson « Abrutir les masses » du groupe Guerre Froide. Et on finira par la chanson « Victoire prochaine » du groupe Seconde Chambre. Alors j'espère vous retrouver dans la rue demain. J'espère vous retrouver dans la rue demain pour les manifestations contre le sexisme. J'espère vous retrouver dans la rue mercredi contre la loi El Khomri. Et puis on fera un petit point sur comment se seront passées les mobilisations lundi prochain dans C'est là que ça se passe. Alors bonne semaine de lutte que j'espère, massive. Et puis à la semaine prochaine. Jusqu'à ce que